Y a-t-il toujours une raison d'être ? On parle dans la vie courante de certaines choses qui ont une raison d'être et d'autres dont on pense qu'elles ne pourraient pas l'avoir, et ça nous donne parfois le vertige parce que finalement, avons-nous nous-mêmes une raison d'être ? Quel serait le fondement de notre existence ? On croit que c'est là la question philosophique première, on croit que c'est le rôle de la philosophie de partir d'un être, de remonter à sa raison d'être, et peut-être ce sera un autre être, et de remonter finalement d'être en être, de fondement en fondement, d'explication en explication, à la raison de l'être en général, peut-être à un être qui sera l'explication, la raison, le fondement de tous les autres êtres, une raison d'être ultime. Parfois on parle ainsi de l'être suprême. C'est la question fondamentale, semble-t-il, de la philosophie, parce que justement, c'est la question du fondement, de trouver quelque chose qui explique toutes les autres choses. Pourtant, il se peut aussi que la philosophie doive résister à cette question, comme l'ont dit beaucoup de grands philosophes, et même celui qui restera comme le philosophe de l'être au XXe siècle, Martin Heidegger, auteur en 1927 d'un grand livre intitulé « Être et temps ». Pour Heidegger, sur lequel on reviendra dans un instant, pour Heidegger, l'être est une question et doit le rester. C'est la question de l'être qui est aussi d'ailleurs la question du néant, la possibilité qu'il n'y ait rien, qui nous donne le vertige, qui nous donne l'angoisse et qui définit finalement non pas une chose, mais un sujet, une question, un mode d'être, une attitude existentielle, une question, c'est ce qui l'intéresse, c'est l'être qui pose la question de l'être, qui se demande ce qu'il y a et qui finalement résiste à la question du fondement. Il a même critiqué l'idée de raison, non seulement comme fondement, mais comme illusion des êtres humains qui, au lieu de questionner leur existence, finalement, à travers leur croyance dans la capacité à répondre et dans la raison, cherchent à dominer les êtres et finalement à arraisonner, comme il disait, l'être en général. Et finalement, la raison deviendrait non pas la recherche noble d'un fondement, mais la conquête vile d'une technique, d'une maîtrise de la nature. Et on retrouve là, finalement, la critique de la raison humaine, la critique de la rationalité qui domine aujourd'hui certaines philosophies de l'écologie contre la technique humaine. Cette critique est très profonde et peut-être en effet l'idée de raison d'être est trompeuse. Aujourd'hui, on la trouve même dans une loi sur l'économie. Les entreprises doivent définir leur raison d'être pour se justifier de leur existence. Et on voit bien que ce terme métaphysique peut avoir des usages douteux. Malgré tout, pourtant, les raisons de vivre ne sont-elles pas pour nous quelque chose d'essentiel ? Peut-on vivre sans raison de vivre ? Une raison qui n'est pas une cause extérieure, mais qui est un sens intérieur qui explique la vie humaine elle-même. Comme le disait le poète latin, il ne faut pas, au nom de la vie, perdre les raisons de vivre. Et il employait en latin le terme « cause » qui définit à la fois l'explication, le sens et aussi le procès. La cause, c'est l'affaire juridique. Quelles sont nos raisons de vivre ? Pourquoi parfois les perdons-nous ? Pourquoi cherchons-nous à en retrouver une ? Pourquoi parfois sommes-nous les uns pour les autres des raisons de vivre ? Ne renonçons pas à cette question. La raison n'est pas seulement un fondement ou une technique abstraite. C'est aussi ce qui nous relie les uns aux autres.